but in the spirit. Amen. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. The Spirit of Christ. Geist von Christus. Not talking about soul of Christ. No, soul of Christ and the Spirit of Christ are two different things. Seele von Christus und Geist von Christus sind zwei unterschiedliche Dinge. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ et l'âme de Jésus-Christ sont deux choses différentes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kana mine. Fleischige Sinnung. Une pensée charnelle. Das ist eine Seele ohne Christus Jesus. C'est l'âme, une âme sans Jésus Christ. Amen. A soul with what Christ called. A soul without what Christ called the truth. Eine Seele ohne Wahrheit, ohne das, was Jesus die Wahrheit nennt. Une âme avec ce que Jésus, sans ce que Jésus-Christ appelle, considère comme la vérité. A carnal mind is a wicked mind. Eine Fleischseele ist eine bösartige Seele. Donc, une âme charnelle, c'est une âme vraiment mauvaise. Amen. Mm. A soul that is full of the flesh. Eine Seele, die voll ist vom Fleisch. C'est une âme qui est vraiment plein de la chair. C'est soul that is full of five senses. Ist voll von fünf Sinnen. C'est une âme qui est vraiment plein de cinq sens. Praise the Lord. Hallelujah. And it is spirit is on the inside and not outside. Alles Geistliche ist im Innen und nicht im Inneren und nicht äußeren. Et ce qui est du Christ, c'est toujours dans l'intérieur et pas dans l'extérieur. Amen. The family of Christ Jesus. Die Familie von Christus Jesus. La famille de Jésus-Christ. Amen. Amen. All our needs are not coming from outside, but from inside. All unsere Bedürfnisse kommen nicht vom Äußeren, sondern vom Inneren. Tous nos besoins, ça ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Are you getting it? Mm. If you remember Elisha again. Nicht noch mal Elisha. Those that with us. It was die mit uns sind. Es geht um das Innere. Not those people on the street. Nicht die außerhalb sind. Si vous vous rappelez de Élisée, par exemple, lui, il a dit que ceux qui sont avec nous, donc il parlait de l'intérieur, sont nombreux, plus nombreux de ceux qui sont devant nous, donc de l'extérieur. All our victory is Christ in us. All unser Sieg ist Christus in uns. Donc notre victoire c'est le Christ en nous. Are you getting it? We already have them. They are Christ Jesus. Christus Jesus, all unser Sieg. On a déjà nos victoires parce que notre victoire c'est Jésus Christ. Are you getting it? Mm. Our future is Christ in us. Unsere Zukunft ist Christus in uns. Notre futur c'est le Christ en nous. And that's why we know our future. Deswegen kennen wir unsere Zukunft. Et c'est pour cela on connaît notre futur. Christ in us is our faith. Christus in uns ist unser Glaube. Le Christ en nous c'est notre foi. Our faith is on the inside of us. Unser Glaube ist in uns. Notre foi c'est en nous. Our inside is our faith. Unser Inneres ist unser Glaube. Notre intérieur, c'est notre foi. Johannes 14. Jean 14. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. John 14. Johannes 14. Jean 14. Praise the Lord. Hallelujah. John 14. From Johannes 14, Vers 20. Verset 20. Here Jesus is speaking. Hier spricht Jesus. Ici c'est Jésus qui parle. He said, "At that day you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you." You see that? Mm. Praise the Lord. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. You know, if you can remember this, no doctor's report can bother you. Wenn ihr euch an das erinnern könnt, that you are in Jesus and he is in you. Kann kein Arztbericht euch aus der Bahn werfen, dass er in euch ist und ihr in ihm. Amen. Si tu es capable de te rappeler de ce fait que Jésus-Christ est en toi et toi en lui, are you getting il n'y aura aucun résultat qui va te faire des soucis. Your faith is in you and you are in your faith. Dein Glaube ist in dir und du bist in deinem Glauben. Donc ta foi c'est en toi et toi tu es dans ta foi. For anything, any sickness is a disease to come, we have to penetrate Christ. Mm. And anything that goes through Christ is dead. Mm. Damit irgendeine Krankheit dich berühren kann, muss sie erstmal durch Christus Jesus gehen. Und wenn sie durch Christus Jesus geht, dann löst sie sich auf. Sie ist tot. Donc pour que une maladie puisse venir à tout vers toi, ça doit d'abord pénétrer à travers Jésus-Christ. Mais dès qu'il pénètre à travers Jésus-Christ, en Jésus-Christ, cette chose va mourir. Donc ça n'a pas de force contre l'Éternel. Donc ça peut jamais t'atteindre. Remember who he said he is. Erinnert euch an seine Identität, an wer er ist. Rappelle-toi de ce qu'il a dit, de qui il est. He said he is the resurrection and the life. Amen. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Il a dit qu'il est la résurrection et la vie. It means there's no truth and no death can penetrate. Das heißt, kein Tod kann durch ihn durchdringen. Il y a aucune mort qui peut pénétrer, à travers Jésus-Christ. I hope you understand here. Look at verse 20 again. Verse 20. At that day you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Verse 21. 21. Papa, can you repost? He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him and will manifest myself to him. Praise the Lord. Hallelujah. And we manifest myself to him. Then Judas in verse 22 said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest yourself unto us and not unto the world? Unto us alone and not unto the world. Nur uns, aber nicht der Welt. Two people there. Zwei Leute. Il dit que, Seigneur, comment se fait-il que vous vouliez vous manifester à nous et non au monde? Donc il y a deux côtés différents. Why us alone? Wieso nur wir? And the world. Und nicht der ganzen Welt. Pourquoi tu veux seulement te manifester à travers nous? Verse 23. 23. Verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him. Wir werden. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. We will come unto him and make our abode with him. We will come unto him and live inside him, be with him and live inside him. Wir werden zu ihm kommen und in ihm sein und in ihm wohnen. Verset 23, il dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Donc lui et le Père, Jésus et le Père vont demeurer en toi. It means inside us will be his home. Das heißt, in uns drin ist sein Zuhause. Ça signifie que notre intérieur, c'est sa maison. And we also will be, you know, he himself will be our home. Und er selbst wird unser Zuhause sein. Et lui-même, il sera aussi notre maison. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 17, look at verse 17. Verset 17. Let's read from verse 15 to 17. 15 bis 17. 15 à 17. If you love me, keep my commandments. His commandment is to believe him. Sein Gebot ist an ihn zu glauben. Es geht hier nicht um die 10 Gebote. Il a dit de garder ses commandements et ses commandements c'est de croire en lui. C'est pas les 10 commandements en fait. His commandment is to believe, is to be one with God's children. Sein Gebot ist ihm zu glauben, eins zu sein mit den Kindern Gottes. Donc ce commandement c'est d'être un avec lui et être un avec les enfants de Dieu. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Not just believing him without being one with God's children. Nicht nur ihm glauben, or you want us to go there? Eins zu sein mit Kindern Gottes. Donc il s'agit de croire en lui et être un avec les enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. And I will pray the Father, verse 16. And he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Forever. Für immer. And not for some time. Nicht nur für eine gewisse Zeit. Amen. Amen. Et il sera avec nous pour toujours. Il n'a pas dit seulement pour quelques temps, mais pour toujours. Even the spirit of truth, whom the world cannot receive. They cannot receive him. Sie können ihn nicht empfangen. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Because it seeth him not, neither knoweth he. But you know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It means we are not strangers to the Holy Spirit. Das heißt, wir sind keine Fremde für den Heiligen Geist. Das signifie que nous sommes pas des étrangers pour le Saint-Esprit. We are not foreigners to the Holy Spirit. Für den Heiligen Geist. Nous sommes pas des étrangers pour le Saint-Esprit. We are not slanderers for the Holy Spirit. Wir sind keine Ausländer für den Heiligen Geist. Ihn kennen. I hope that those in Nigeria will know what is Ausländer. That's foreigners. We are not foreigners to the Holy Spirit. Wir sind keine Fremden für den Heiligen Geist. Nous ne sommes pas des étrangers pour le Saint-Esprit. It's like God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. They are our faith. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, sie sind unser Glaube und sie leben in uns. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce sont notre foi et ils vivent, ils demeurent en nous. We carry them everywhere. Und wir tragen sie überall hin. Et on les porte avec nous partout. We carry God the Father. You know, if you can remember this, you know, you will daran walk like erinnern können, wenn wir auch so wandeln, wie wir sind. Et si tu es capable de te rappeler de ce fait, qu'il est tout pour toi, que tu es toujours en train de le porter, tu vas avoir une attitude vraiment comme un roi. Even Colossians 2 says the same thing. Colossiens 2 dit sogar das gleiche. Colossiens 2 dit la même chose. Praise the Lord. Alléluia. Verset 6. As you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in him. Rooted. He wants us to be rooted. Er will, dass wir verwurzelt sind. Be rooted. Donc il veut qu'on puisse être vraiment en Christ, raciné en Christ. You know, we were once rooted in the world, in the natural world, in the flesh. Wir waren einst verwurzelt im Fleisch, in der natürlichen Welt. Avant dans le monde naturel, on était raciné dans le oui dans le mal. Are you getting it? We were once rooted in everything on the in this world. The evil, you know, because Christ called it evil. Well, the system of this world, you know, what they call good, what they call love, what they call joy, what they call peace. We were once rooted. Wir waren einst verwurzelt in dem Bösen. Une fois, on était vraiment enraciné dans le mauvais, dans le mal. But now he said, be rooted in Christ. Oh, jetzt sagt er, wir sollen verwurzelt sein in Christus Jesus. Mais maintenant, il nous dit qu'on doit être enraciné dans Jésus Christ. He said, rooted and built up in Him, and established in the faith. If Christ, amen. In the faith, meaning Christ. Im Glauben heißt in Christus. Donc être raciné dans la foi, ça signifie être raciné en Christ. Be rooted in believing Him. Let the root be so deep. Zu glauben. That nothing can uproot it. So dass nichts entwurzeln kann. Donc permet la racine de Christ être vraiment dans vraiment si profond qu'il y a rien qui peut vraiment l'arracher. No situation outside can uproot it. Keine Situation da draußen kann es entwurzeln. No matter how real they are. Egal wie echt es ist. Aucune situation peut arracher notre foi parce que c'est vraiment réel. They are natural facts. That we have our facts. Sind ihre natürlichen Tatsachen. Aber wir haben unsere übernatürlichen Tatsachen, dass Christus Jesus, dass er das Werk vollbracht hat. Parce que le monde a ses faits naturels qui n'est pas le Christ, qui est naturel. Mais notre fait est plus puissant que ça, c'est surnaturel. He said, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving and not with sadness. Do everything in thanksgiving. Wir sollen alles in Danksagung tun und nicht in Traurigkeit. Not in regret, not in complaint. Und nicht mit Beschwerden und Bereuen. Donc on doit faire tout avec action de grâce, mais pas avec de regret. You know, if you can remember what he left for you. Wenn wir uns an das erinnern, was er für uns verlassen hat, dann werden wir Danke sagen können. Et si on se rappelle de ce qu'il a abandonné pour nous, on sera capable à dire merci. And not remember what you left for him. Remember what he left for you and not what you left for him. Amen. That's how to live. Uns daran erinnern, was er für uns verlassen hat, nicht was wir für ihn verlassen haben. On doit se rappeler à ce que lui il a fait pour nous et pas ce que nous on a fait pour lui. If you keep on reminding yourself of what you left for him, Satan will use you. Wenn du dich immer wieder daran erinnerst, was du für den Herrn verlassen hast, wird der Satan dich benutzen. Si tu te rappelles toujours de ce que toi tu as abandonné pour lui, le diable va t'utiliser. Be occupied with what he left for you. Sei mit dem, was er für dich getan hat, was er für dich verlassen hat. Amen. Donc tu dois vraiment être occupé de ce que lui il a fait pour toi, son œuvre accomplie pour toi, pas ce que toi tu as fait pour lui. If even nothing is working, don't remember what you left for him. Auch wenn nichts funktioniert, erinnere dich nicht an das, was du für ihn verlassen hast, sondern was er für dich verlassen hat. Amen. Même si les choses ne fonctionnent pas, rappelle-toi à ce que lui il a fait pour toi et pas ce que tu as fait pour lui. Are you getting it? Those under law, once there's nothing working, they, for them it's all about what they left for him. Die unter dem Gesetz werden. They start regretting. Why are things like that upon everything I've been doing? Is it your finished work or his finished work? Amen. Die Leute, die unter dem Gesetz sind, sobald Dinge irgendwie den Bach runtergehen, fangen sie an, sich zu beschweren, zu sagen, obwohl ich all diese Dinge gemacht habe und gegeben habe und getan habe für den Herrn, aber geht es um dein fertiges Werk oder geht es um sein fertiges Werk in deinem Leben? Donc, ceux qui sont, par exemple, qui sont en train de marcher selon ce que eux, ils ont toujours fait pour l'Éternel, ils disent toujours que malgré tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas, donc la frustration va commencer à venir. Mais quand tu vois ce que lui, il a fait pour toi, là, tu vois même pas te lamenter. Praise the Lord. Alléluia. Verse 8. Verse 8. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of this world, and not after Christ. Mm-hmm. You can see it, and not after Christ. Mm-hmm. Are you getting it? We want somebody to spoil us, but with Christ. Amen. Wir wollen, dass jemand uns to spoil us. Also, dass jemand uns verwöhnt, aber mit Christus, nicht mit dieser Welt. Et on veut vraiment que quelqu'un puisse nous chuchoter, mais avec le Christ, pas avec ce monde. Are you getting it? Mm-hmm. To spoil means to make something naked. Mm. That you is just everything is Christ and nothing else. Genau, verwöhnen, dass er uns damit überströmt sozusagen mit Christus alleine und mit nichts anderem. Donc on veut vraiment que quelqu'un puisse nous gâter seulement avec Jésus-Christ lui-même et pas avec le monde et le mal de ce monde. Look at verse 15 so that you understand what spoiled is. 15. Verset 15. And having spoiled principalities and powers, he spoiled them. Are you getting it? He spoiled them. He made a show of them openly, triumphing over them in it. He naked them. He made them naked. Amen. For us, you know, for God's children, it's all, if what is now Christ alone, you are naked for him alone. Also es gibt zwei Bedeutungen für dieses Wort. Also entweder geht es um Entwaffnen, nämlich ruinieren und ausrauben sozusagen, oder verwöhnen sozusagen, indem man jemanden überschüttet sozusagen mit Segen. In dem Kontext meint es aber entblößen. Entblößen. Praise the Lord. Halleluja. You know, somebody can say, I want to spoil you. Just let's go. I want to spoil you. Have you not heard that word before? I want to spoil you. Aber if I take radical for Jesus, Christ really spoil you. Si tu es radical pour Jésus-Christ, l'Éternel, il va vraiment te gâter. Wenn du wirklich radikal für Christus bist, dann wird dich auch Jesus Christus überschütten mit sich selbst. Okay, let's read it. Praise the Lord. Alleluia. But can you repeat what you mean by verse 15? Because this is the opposite. I need also to translate it. Verse 15 says, having spoiled principalities and powers. To spoil, it means to get rid of everything they are wearing. Everything, you know, principalities and power. When Satan took everything away from Adam, when Adam obeyed Satan, your power and your authority now belong to Satan. But now Jesus came and spoiled him, took away that power and authority from him. Amen. He's now powerless. No. Als Adam dem Satan gehorcht hat, hat der Satan ihm sozusagen die Macht entnommen, ihn sozusagen entwaffnet mit dem, was der Herr ihm gegeben hat. Aber als Jesus Christus den Satan sozusagen Als Jesus Christus sozusagen auf den Satan getroffen hat, hat er ihn sozusagen entwaffnet und ihm alles weggenommen, was er uns bei Adam gestohlen hat. Und deswegen haben wir jetzt wieder das bekommen, was er von Adam gestohlen hat. Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les principautés et les puissances et les a livrés hardement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ça signifie que quand Adam et Ève, après la chute de l'homme, Adam et Ève, ils avaient tous les biens des enfants de Dieu, en fait. Mais l'Éternel, Jésus-Christ, les parti dépouiller. Donc, il a arraché tous les biens de ses enfants. Il a arraché, il a emmené ça et il nous a redonné ça, en fait. Il nous a gâté encore avec ce qu'il avait pour nous en avance. You know, Romans 6 talk about Christ spoiled us. He take away the flesh. We are dead with him. Are you God? I hope you understand it. Now. We are dead and buried. Our flesh is dead and buried with him. In Römer 6 lesen wir, dass wir mit Christus Jesus gestorben sind, dass unser Fleisch tot ist und dass wir mit ihm wieder auferweckt worden sind. Amen. Romans 6 nous fait voir que on est qu'il est en train de nous gâter quand on est en train d'arracher la chair, non, parce que on est mort avec lui, mais on est ressuscité avec lui. Donc il y a tout est nous renouvelé et la chair n'existe plus. I hope you understand it. Mm. You know, you can to spoil. You can also use it as to die. To be destroyed. Mm. To spoil. To. We are dead with Christ. Are you getting it? The flesh is dead. Mm. And buried. Entwaffnen heißt auch ruinieren, zerstören. He spoiled us with his own equipment. Just everything now is all about him in our life. Mm. Und Christus hat uns sozusagen ausgestattet mit sich selbst. Et quand il dit qu'il a dépouillé les principautés et les puissances même de notre chair, ça signifie qu'il a tout détruit. Praise the Lord. Alléluia. Verset 9. For him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in him. Praise the Lord. He says you are complete. Ihr seid vollkommen. You are not half. Ihr seid nicht halb. Colossiens 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc nous sommes pleins. Really want us pas to à moitié. Il veut vraiment que nous sachions qui nous sommes. Il veut vraiment qu'on puisse savoir qui nous sommes. And you are complete in him, which is the head of the principalities of all. The principality and power. Amen. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands. Are you getting it? In the putting off the old circumcision, that is what he's talking about. The old circumcision was about cutting the body. Die alte Beschneidung. But now it's about renewal of the heart. Da ging es die Beschneidung des Fleisches, aber die neue Beschneidung, da geht es die Beschneidung des Herzens, der Seele. Donc, il s'agit maintenant de la nouvelle circoncision. Il s'agit de la circoncision de l'âme et pas de la chair comme avant. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Buried with him. Begraben mit ihm. Nous sommes vraiment... Nous sommes morts avec lui, enterrés avec lui. You see that? Mm-hmm. In baptism, we are in also you are risen with him. He spoiled you. Are you getting it? Mm-hmm. Because it's all about him today. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Er hat uns mit ihm selbst überschüttet, ausgestattet, weil es nur um ihn jetzt geht, nicht mehr um uns. Et maintenant, nous sommes maintenant nés de nouveau avec lui. Et il nous a vraiment gâtés, parce qu'il s'agit que de lui dans notre vie. Wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God, who has raised him from the dead. And you being dead in your sins, and your circumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. We are never without him. Wir sind niemals ohne Jesus. Nous sommes jamais sans Jésus-Christ. We must be conscious of our faith. Wir müssen uns unserem Glauben bewusst sein. On doit vraiment être conscient de notre foi. In another word, remember your inside. Erinnere dich an dein Inneres. Donc rappelle-toi de ton, oui, de ton intérieur. Amen. Amen. Whatever is outside should not have anything to do with you. Was immer da draußen ist, sollte nichts mit dir zu tun haben. Tout ce qui s'agit de l'extérieur, oui, de dehors, de l'extérieur, ça n'a jamais rien à voir avec toi. Our joy, our peace, our rest. Unsere Freude, unsere Ruhe. Notre joie, notre paix, notre oui. Notre Amen. Amen. Should not be controlled by the outside. Sollte nicht durch das Äußere kontrolliert werden. Doit jamais être contrôlé à travers l'extérieur. Amen. Amen. We have a lot of examples already. Wir haben viele Beispiele. On a beaucoup des exemples. Amen. Amen. Elijah was not controlled by the outside. Elijah wurde nicht durch das Äußere kontrolliert. Élisée n'était pas contrôlé de l'extérieur. And John, you know, in Luke 10, when he sent the 70, he said, "The inside." His word, no man can touch. In Lukas 10 sagt er, das Innere ist das, was niemand antasten kann, angreifen kann. Das ist permanent. Das ist ewiglich. And in 4:4. In 1. Johannes 4:4. In John 4:4. He said, we must know and always remember that greater is he that is in us than whatever is outside. Sagt, wir müssen uns immer daran erinnern, dass größer ist der in uns ist, als der auf der Welt ist. Là, il dit que on doit toujours se rappeler que la personne qui est en nous est plus grande que celui qui est dans ce monde. Remember the Christ in you. Erinnere dich an Christus in dir, bitte. Rappelle-toi du Christ en toi, s'il te plaît. You know, Elijah, remember the God in him. Elijah hat sich an Gott in ihm erinnert. Élisée s'est rappelé du Dieu en lui. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ, our faith. Christus, unser Glaube. Jésus, notre foi. In us. In uns. En nous. Is greater than any situation on the outside. Ist größer als jegliche Situation im Äußeren. Jésus-Christ en nous est plus grand que chaque situation qui est à l'extérieur. Amen. Amen. Even in John 16, from verse 32 to the end. Auch Johannes 16. Même dans Jean 16, von 32 jusqu'à la fin. Genau. You know, when what mark and religion call problem comes. Wenn das, was der Mensch Religion Problem nennt, auf uns zukommt, c'est que l'être, quand c'est que l'être humain appelle religion ou problème, ça arrive. Those things we see and we know them as problem before. Die Dinge, die wir sehen und als Problem erkennen, in der Vergangenheit. Ou bien même les choses quand on voit les choses qu'on appelait une fois comme des problèmes, comme on considérait comme problèmes. Amen. Yeah. You know somebody leaving you. Dass jemand dich verlässt. Par exemple, quand quelqu'un t'abandonne. Amen. Mm-hmm. The family, you know, saying, because they refuse to choose Christ. Dass Amen. Die Familie dich verlässt, weil sie sich husband leaving a wife leaving husband, friends leaving friends, parents leaving children leaving. You know that you are never alone. All diese Dinge, aber wir sind nicht alleine. Tout le monde t'abandonne, mais toi tu n'es pas seul. It is as if you are alone. Es scheint so, als ob du alleine bist. Quelquefois, ça nous semble que nous sommes seuls. Amen. Amen. We'll close with John 16, please. Johannes 16. On va clôturer avec Jean 16. I love you so much. Praise the Lord. Hallelujah. I love you so much. Ich liebe diese Stelle so sehr. Sometimes as if you are alone. Manchmal scheint es so, als ob du alleine bist. Quelquefois, ça te semble que tu es seul. It's a matter of time this period will come. Es ist eine Frage der Zeit, bis diese Zeit kommt. C'est une question de temps jusqu'à ce que tu vas te sentir seul. Amen. Amen. Jean 32. Johannes 16, 32. Jean 16, verset 32. Behold, the hour cometh, yea, is now come, that you shall be scattered. Everyone leaving Jesus, everyone leaving you. Jeder verlässt Jesus, jeder verlässt dich. Donc chacun. Abandonne Jésus-Christ, chacun t'abandonne. There's division. Es gibt Trennung, Spaltung. La division partout. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Every man to his own and shall leave me alone. And yet I am not alone. No, just that is you. Christ Jesus just talking of you. Jesus spricht über dich. Ici Jésus-Christ parle de toi et moi aujourd'hui. Because Christ Jesus never leaves. Denn Christus Jesus verlässt dich niemals. Parce que Jésus-Christ nous abandonne jamais. Because the Father is with me. Denn der Vater ist mit mir, sagt Jesus. Parce que le Père est avec moi, c'est Jésus-Christ qui le dit. See the inside, please. Schau auf das Innere, bitte. Vois l'intérieur, s'il te plaît. Remember the inside always. Erinnere dich immer wieder an das Innere. Rappelle-toi toujours de l'intérieur. The faith in you. Der Glaube in euch. La foi en toi. It's very, very important. Ist sehr, sehr wichtig. C'est vraiment important. Because the faith in you is the Christ in you. Denn der Glaube in dir ist Christus in dir. Parce que la foi en toi, c'est le Christ en toi. The Lord, you know, the Bible says you can only live by faith. Die Bibel sagt, du kannst nur durch Glauben leben. La Bible nous dit qu'on peut seulement vivre à travers la foi. It's like fish. Fish can only live in water. Wie der Fisch, der kann nur im Fisch im Wasser leben. C'est comme un poisson, on peut seulement vivre dans l'eau. Without faith, you are dead. Ohne Glauben bist du tot. Das heißt, ohne Christus bist du weg. Sans la foi, tu es mort. Donc, ça signifie sans Jésus-Christ, tu es fini. Remember where Peter took his eyes away from him. Erinnert euch, als Petrus seine Augen weg von ihm genommen hat, als er auf dem Wasser lief. Rappelle-toi quand Pierre avait enlevé ses yeux de Jésus-Christ quand il marchait sur l'eau. Learn to remember him. Lernt euch an Christus zu erinnern. Rappelle-toi de se rappeler de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 33 says, "These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. There will be bad report, bad result, bad everything. Es wird schlechte Ergebnisse geben. But this will cover. Es wird Dinge geben, die diese Welt schlecht nennt. Donc il nous dit que dans ce monde on aura des tribulations, donc tu auras des mauvais rapports. But be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Amen. Ich habe die Welt überwunden. I solve whatever it is before it will come to you. Und habe es schon gelöst, bevor es zu euch kommt. Amen. Oui, mais prenez confiance. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Amen. It means nothing outside can separate you from him. Das heißt, nichts da draußen kann ich von ihm trennen. Ça signifie rien à l'extérieur peut te séparer avec lui. Don't allow it, please. Lass das nicht zu. Il ne permet pas que ça puisse. Your victory is that you are not separated from him. Dein Erfolg ist, dass du nicht von Christus Jesus getrennt wirst. Ta victoire est que tu n'es pas séparé de Jésus-Christ. That was his victory. Das war sein Sieg. C'était sa victoire. And that should be our victory today. Das sollte auch heute unser Sieg sein. Et ça doit aussi être notre victoire aujourd'hui. Amen. Amen. Because everything is to separate. Five senses want to separate you. Everything want to separate you. You know the temptation. Satan wanted to separate him from his father. Are you getting it? Mm-hmm. If you are a son of God, if you really belong, if you're that man, that God really is your father. Mm-hmm. He wanted him to doubt his identity. Mm-hmm. And never to separate him from his father. That's what Satan is after. To separate you from Christ Jesus. Der Satan ist dahinter, dich von Jesus zu trennen. So hat er es auch in der Versuchung in der Wüste mit Jesus getan. Sagt, wenn du doch der Sohn Gottes bist, wenn du doch der Sohn von dem und dem bist, dann tu doch das und jenes. Und so wird es auch bei uns versuchen. Er will dich trennen. Alles will uns hier von Christus Jesus trennen. Et ça c'est le travail du diable. Le diable voulait séparer Jésus-Christ de son propre père. Et il venait lui tenter plusieurs fois. Et c'est comme ça aussi avec nous aujourd'hui sur terre. Il y a beaucoup de choses qui veulent nous séparer du Christ, qui veulent nous tenter pour ne pas croire à notre Père. Don't allow him to separate you from him. Lass nicht zu, dass er dich von dass der Satan dich von Jesus Christus trennt. Donc n'autorise pas au diable de te séparer avec Dieu, de Dieu. Means don't allow him to separate you from God's children. Lass nicht zu, dass der Satan nicht von Kindern Gottes trennt. Donc ne permet pas que le diable te sépare des enfants de Dieu. Until he is able to separate you from Christ. Erst wenn ich he remain a loser. Wenn er dich von Christus Jesus trennen kann. It's only when he, you know, until how will I put it? Wenn er dich nicht von Christus Jesus trennen kann, mm-hmm. Wenn er dich nicht von Christus Jesus trennen kann, ist er ein Verlierer. Exactly. Amen. Donc, s'il ne peut pas te séparer de Jésus-Christ et des enfants de Dieu, c'est là qu'il est, il a toujours l'échec. Il est un perdant. You know, he's a loser. It's not because the doctor's report is good. Der Satan ist kein Verlierer, weil der Arztbericht gut ist. Le diable n'est pas un perdant parce que le rapport du docteur est mauvais. He's a loser, it's not because your result is good. You pass your exam. Er ist kein Verlierer, weil du deine Prüfung bestanden hast. Donc il n'est pas un perdant parce que tu as passé les examens. He's a loser in spite of, you know, that in spite of the what they call bad. You are still saying thank you for. Er ist ein Verlierer, weil trotzdem, was die Welt schlecht nennt, auf dich zukommt, sagst du dennoch 4-4. Mm-hmm. Du freust dich schon her. Parce que peu importe les choses qui viennent dans ta vie, toi, tu continues à glorifier l'éternel. Remember what Paul said. Erinnert euch an das, was Paulus sagt. Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn. Rappelez-vous ce que Paul a dit. Il a dit que pour moi de vivre, c'est le Christ et la mort, c'est un gain. He did not pray to live. Er hat nicht gebetet zu leben. Il n'a pas prié de vivre. Just say he's one with Christ. Gesagt, er ist einfach nur eins mit Christus. Er ist eins mit dem Leben. Amen. Forever. Il n'a pas prié de vivre, de continuer à vivre, mais il a dit qu'il est un avec Christ, le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So we close here, please. We continue.